La goutte d'eau qui perd au robinet du poste d'eau sur le palier. Les bruits de ton voisin, ses raclements de gorge, ses caves de toux. Le murmure incessant de la ville. En bas, au croisement, l'alternance régule les coups de frein, des arrêts, des reprises, des accélérations, rythme le temps presque aussi sûrement que la goutte inlassable, que le clocher de Saint-Roch. Ton réveil, depuis longtemps, marque 5h15. Dans le silence de ta chambre, le temps ne pénètre plus. Il est alentour, bas permanent, obsédant, faussé, un peu suspect. Le temps passe, mais tu ne sais jamais l'heure. Il est 10h, ou peut-être 11. Il est tard, il est tôt, le jour naît, la nuit tombe. Les bruits ne cessent jamais tout à fait. Le temps ne s'arrête jamais totalement, même s'il n'est plus qu'une minuscule brèche dans le mur du silence. Murmure ralenti, oublié du goutte à goutte, presque confondu avec les battements de ton cœur. Ta chambre la plus belle des îles désertes, et Paris est un désert que nul n'a jamais traversé. Tu n'as besoin de rien d'autre que de ce calme, que de ce silence, que de cette torpeur, que seuls les soulèvements de ta cage thoracique témoignent encore de ta patiente survie. Ne plus rien vouloir. Attendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre. Traîner, dormir. Te laisser porter par les foules, par les rues. Suivre les caniveaux, les grilles, l'eau le long des berges. Longer les quais, raser les murs. Perdre ton temps. Être sans désir, sans dépit, sans révolte. Ce sera devant toi au fil du temps une vie immobile, sans aspérité, sans déséquilibre. Jour après jour, saison après saison, quelque chose va commencer qui n'aura jamais de fin. Ta vie végétale, ta vie annulée. Ici, tu apprends à durer. Parfois maître du temps, maître du monde, petite araignée attentive au centre de ta toile, tu règnes sur Paris. Tu gouvernes le nord par l'avenue de l'Opéra, le sud par les guichets du Louvre, l'est et l'ouest par la rue Saint-Honoré. Tu as tout à apprendre, tout ce qui ne s'apprend pas. La solitude, l'indifférence, la patience, le silence. Tu es seul, et parce que tu es seul, tu ne dois plus regarder l'heure. Tu te laisses aller, et cela t'est presque facile. Tu laisses le temps qui passe effacer la mémoire des visages, des adresses, des téléphones, des sourires, des voix. Tu oublies que tu as appris à oublier, que tu t'es un jour forcé à l'oublier. Tu n'entres plus dans les cafés, tu n'en fais plus le tour d'un air soucieux, allant jusque dans les arrières-salles à la recherche de tu ne sais plus qui. Tu ne cherches plus personne dans les queues qui se forment toutes les 2 heures devant les 7 cinémas de la rue Champollion. Tu es seul. Tu apprends à marcher comme un homme seul, à flâner, à traîner, à voir sans regarder, à regarder sans voir. Tu apprends la transparence, l'immobilité, l'inexistence. Tu apprends à rester assis, à rester couché, à rester debout. Tu apprends à regarder les tableaux comme s'ils étaient des bouts de mur, et les murs comme s'ils étaient des toiles dont tu suis sans fatigue les milliers de chemins. La vie reste inexorable, texte que nul ne saurait déchiffrer, visage en décomposition.